Go, la review d'Ipress JB. Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, PodCloud, Deezer et YouTube. C'est pas sexy Sarah ça? C'est pas sexy choucroute Sarah ça? Chaque matin, peu avant 7h, c'est encore mieux qu'un café. J'ai la forme et je frétille comme une petite truite toute la journée. Bonjour à toutes et tous, nous sommes le lundi 19 février, c'est une nouvelle semaine que nous rattaquons ensemble. Une nouvelle semaine de revue de presse JV de News Gaming qui vont venir vous caresser les esgourdes et vous donner panache et robustesse pour toute la journée. Moi c'est Bruno Roca, vous ne le savez que trop bien, vous êtes dans le premier podcast quotidien 100% jeux vidéo. On va discuter pendant 15-20 minutes de gaming, des beaux sujets à nouveau ce matin à vous délivrer, et ce que je propose, c'est qu'on commence tout de suite par une petite brochette de news de derrière les fagots. Allez, c'est parti! Nous connaissons enfin l'identité des deux personnages qui seront délivré en DLC, les deux premiers à faire partie des 8 persos du Fighters Pass. Vous l'avez deviné, je parle de Dragon Ball Fighters. Nous avons donc appris via VidJump, le magazine japonais, que Broly et Badak sont donc les deux premiers personnages à pouvoir être téléchargés dans le fameux jeu de baston. Alors, on ne connaît pas le prix, on ne connaît pas la date. Concernant le prix, donc si vous avez pris le Fighters Pass, bon, vous n'avez pas de soucis à vous faire, visiblement. Sinon, bah voilà, on n'a pas d'autres informations pour l'instant, si ce n'est que ce gros balourd de Broly. Je suis un des rares fans, voyez-vous, de Dragon Ball à ne pas m'extasier devant Broly. Je le trouve sympa, mais enfin voilà, je suis pas un fou de Broly, mais je sais que je suis en minorité. Acceptez-moi avec ma différence sur ce sujet. Quant à Badak, bah c'est très bien. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que Badak ressemble comme deux gouttes d'eau à Goku. Donc bon, personnellement, j'ai hâte de savoir les suivants qui vont débouler. Ce qui n'empêche pas de toute façon de kiffer quand même l'arrivée de deux nouveaux personnages dans cette merveille absolument intergalactique Dragon Ball Fighters. En développement sur Switch et sur PlayStation 4, Dragon Quest Builders 2 est prévu aux alentours de l'été, en tout cas il semblerait, de l'été 2018 au Japon. Et Square Enix a indiqué que la sauvegarde du tout premier épisode sera reconnue, pourra être transférée vers cette suite. Ça c'est quand même une bonne nouvelle. Pour ce mélange de Minecraft et de Dragon Quest, personnellement je fais partie là aussi encore, je suis une exception. J'avais trouvé que le gameplay du premier était loin d'être aussi précis que ce qu'on pouvait lire à droite à gauche. Il m'avait un petit peu déçu, hélas, très frustré, j'étais, puisque tout le reste est vraiment au poil, mais je trouvais que pour placer ces éléments, pour naviguer dans des galeries, c'était parfois un enfer. Contrairement à la version console de Minecraft qui elle est réglée au poil de faisceau. Bref, en tout cas, si vous l'attendez, eh bien sachez que la sauvegarde du premier épisode sera compatible. Enfin, j'aimerais vous parler de P7 ou P7, le nouveau jeu de Remedy, Max Payne, Alan Wake, Quantum Break, bref, on ne les présente plus. On a appris que donc ce nouveau projet de Remedy sortira normalement en 2019. Alors je dis bien normalement, avec toutes les pincettes d'usage qui s'imposent, sachant que d'autres titres sont en développement dans ce studio, notamment Crossfire 2, mais en tout cas concernant P7 ou P7, ce sera édité par 505 Games et on sait juste concernant ce dernier que c'est un titre orienté cinématique à la troisième personne avec du multijoueur et un contenu qu'on nous promet constamment renouvelé. Bon, wait and see, comme disent les jeunes. Un jeune entrepreneur veut développer les jeux vidéo inspirés de l'Afrique à Toulouse. J'ai lu ça sur actu.fr dans la section donc de l'actu toulousaine. Un papier qui nous parle donc de Teddy Kosoko qui lance Kisoro Trouble Game, un jeu vidéo inspiré de l'Afrique. Et donc tout ceci est développé à Toulouse. Donc Monsieur Kosoko veut aussi créer un studio dédié à l'univers africain. Il nous dit, le Kisoro est un jeu de société très populaire en République. Il y a aussi des déclinaisons en Asie, en Moyen-Orient et dans les Caraïbes. C'est un peu l'équivalent des échecs. Le papier nous explique que c'est lorsqu'il était élève à l'IUT de Blagnac, hein, en Haute-Garonne, que Teddy Kosoko a commencé à créer Kisoro Tribal Game. Dès le début, nous dit-il, j'ai voulu y mettre en avant la Centrafrique, valoriser son histoire et promouvoir la paix entre musulmans et chrétiens dans ce pays en guerre. Alors, le scénario du jeu met en scène un jeune orphelin qui propose d'organiser un concours de Kisoro pour établir la paix entre deux royaumes. Plusieurs modes sont disponibles, on peut jouer seul ou à plusieurs, nous explique donc cet article. On nous dit aussi que c'est sur ses fonds propres que Teddy Kosoko a lancé Kisoro Tribal Game dans un premier temps. Une campagne de financement participatif lui a permis ensuite de récolter plus de 5000 euros. Séduit par l'intérêt culturel du jeu, le Crew de Toulouse lui a octroyé une bourse de 1 500 euros. Alors le Crew, si je ne m'abuse, c'est le Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires. Bref, donc on nous dit que pour l'instant, Kisoro Tribal Game s'est financé donc grâce à la publicité et quelques options payantes. Mais le jeu n'est qu'une étape dans le projet du jeune entrepreneur toulousain qui nous dit « Je veux créer plein de contenus innovants basés sur les histoires africaines. Le continent africain, c'est 54 pays qui sont très mal connus. Je veux apporter cette culture aux jeux vidéo. » À terme donc, on nous dit que Teddy Kosoko souhaite développer Masenka Game Studio, le premier studio entièrement tourné vers les jeux vidéo dédiés à l'Afrique. Et c'est dans la ville rose qu'il envisage de créer cette entreprise. Il déclare notamment « Il y a une grande vitalité dans le monde du jeu vidéo à Toulouse. » Donc Kisoro Tribal Games a été lancé officiellement samedi dernier, samedi 17, en Andorre, où Teddy Kosoko a été invité par l'ambassade de France. L'occasion pour le jeune homme de lancer aussi un concours photo. Il complète en expliquant « Les joueurs sont invités à se prendre en photo en train de jouer à Kisoro Tribal Games dans un lieu insolite. L'objectif est de montrer aux gens de Centrafrique que leur culture est désormais apportée au monde. » Pour terminer, je précise que Kisoro est un jeu sur mobile, disponible sur Google Play et dans l'Apple Store. En tout cas, une belle initiative, une belle entreprise. Donc on surveillera ce que donnera Masenka Game Studio dans les mois qui viennent. Je me suis procuré le dernier numéro de Edge, le fameux magazine anglais, et dans celui-ci, Jonathan Blow, le papa de Bread et de The Witness, revient justement sur son dernier jeu. Alors The Witness est sorti le 26 janvier 2016, ça commence à dater, mais c'est un jeu d'exploration et de puzzle qui se déroule sur une île qui a marqué énormément de monde. Et donc dans le dernier numéro du fameux magazine britannique, il revient sur la conception, sur la philosophie, si vous voulez, qui a porté The Witness. Je me suis régalé à lire cet article. J'ai pris le temps de vous le traduire pour vous en extraire la quasi-majorité, je ne vais pas vous le cacher. Donc j'espère que ce ne sera pas trop long pour ceux qui n'ont pas joué à The Witness ou ceux qui ne sont pas du tout intéressés ni par le jeu ni par Jonathan Blow. Mais quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas votre cam, je trouve ça très intéressant de voir la philosophie qui habite ce game designer qui, qu'on aime ou pas, est l'un des plus talentueux de notre époque, voire de l'histoire du jeu vidéo. C'est quand même un personnage fascinant, Jonathan Blow. C'est pour ça qu'il m'importait vraiment de vous faire part de cet article. Alors Edge nous dit dans ce dossier que The Witness, donc ça c'est en préambule, c'est en introduction, que The Witness est un jeu, donc certes avec de multiples puzzles, mais le plus important, c'est que c'est un jeu qui traite de la façon dont nous communiquons. L'idée de The Witness résonnait dans la tête de Jonathan Blow bien avant qu'il ne décide de faire Bread. Une idée qui s'inspire à la base d'un jeu d'aventure textuel qui s'appelle Trinity, édité par Infocom sur Amiga, Apple II, Atari ST, Commodore 128, sur système DOS, donc PC, et Mac. Ce jeu, qui était écrit par Brian Moriarty et qui panachait des éléments historiques, fantasy et de science-fiction, abordait les atrocités de la bombe atomique. C'est un soft qui a marqué, qui a extrêmement marqué Jonathan Blow dans sa jeunesse, à tel point que ça a carrément, de son propre aveu, changé sa vision de l'art et des jeux vidéo. Tout comme Bread, finalement, nous dit Edge, n'était pas un simple jeu de plateforme, en tout cas pas dans le sens académique du terme, The Witness n'allait pas se contenter d'être un simple puzzle game. Alors on nous explique que les débuts de The Witness s'est fait à travers un projet parallèle, via un prototype dans lequel Jonathan Blow a utilisé un système faisant qu'on traçait avec la souris, on dessinait des formes avec la souris sur l'écran afin de lancer divers sorts. Donc le fameux game designer s'était grandement inspiré de Arx Fatalis, un jeu d'Arkane Studio sorti sur PC en 2002. C'est un jeu où il fallait lancer des sorts en les traçant justement à l'écran. Et donc Jonathan Blow avait commencé à s'imaginer un jeu donc avec divers sorts à apprendre, écrits sur des manuscrits, qu'il fallait dénicher dans des donjons, mais il voulait rendre quand même cette base de game design plus profonde que ça. Il ne voulait pas juste se contenter de reproduire en un peu mieux finalement ce qu'il y avait dans Arc Fatalis. Donc le projet se dessine dans son esprit et devient assez énorme au bout d'un moment, trop gros même, à tel point que Jonathan Blow dit, hein, je cite, « Je dois faire quelque chose de plus facile, faire un jeu de dés, alors je suis parti sur Braid. » Donc à ce moment-là, le projet donc, qui préfigure hein, The Witness lui paraît tellement énorme que finalement, bon, il a voulu se recentrer sur quelque chose de plus simple. Alors, si tant est qu'on considère que Braid est simple, vu que c'est assez perché, assez profond aussi. Mais voilà, et donc, il nous dit que pour The Witness, il y a une image qui lui revenait très souvent en tête. Hein. Il se tenait debout, au sommet d'une montagne, avec le sentiment d'avoir réalisé quelque chose d'important. C'est vraiment une image, une sensation qui drape, si vous voulez, qui nimbe toute l'idée qu'il se fait de The Witness et... à travers cela, l'idée qu'il se fait de la philosophie de game designer qui l'habite. Donc dans ce dossier, on nous explicite clairement aussi que développer Braid hein, a enseigné à Blow une compétence utile, se concentrer sur la meilleure partie de l'idée d'un jeu et construire quelque chose de plus simple autour de cette idée. Et ça, c'est marrant parce que ça rappelle un petit peu aussi la philosophie de game design par soustraction qu'applique Fumito Ueda. Je trouve qu'il y a quand même... un certain lien entre ces deux visions. Donc, du coup, Jonathan Blow a supprimé sur son concept hein, de base, hein, rappelez-vous, inspiré de Arc Fatalis d'Arkane Studio, il a supprimé le système de sorts, les cachots, les monstres, bref, tout ça à la poubelle, et il s'est focalisé sur le symbole donc, de cette montagne et le principe de tracé. Ça, il voulait absolument le garder, c'était vraiment le corps du gameplay. Donc justement, Jonathan Blow dit, hein, donc je le cite, « Les puzzles n'étaient plus seulement un prétexte désormais, ils étaient légitimes à leur façon. » Et donc, il se met une énorme pression à ce moment-là pour vraiment donner corps hein, à ce concept qui lui tient tant à cœur. Élaborer The Witness a été particulièrement difficile, nous dit ce dossier dans Edge, car sa conception non traditionnelle exigeait des solutions, fatalement, non traditionnelles. Mais le but ultime de Jonathan Blow était de s'assurer que le jeu fonctionnait comme un tout interconnecté. L'île, hein, pour ceux qui l'ont fait, l'île du jeu est ouverte avec des zones discrètes, pouvant être visité dans n'importe quel ordre. Il s'agissait d'avoir la foi envers l'esprit d'initiative du joueur. Et ça, c'est un point auquel Jonathan Blow tenait aussi énormément. Et donc, on pourrait dire que si Braid était la première étude hein, de Jonathan Blow sur le pouvoir de la communication non-verbale, The Witness serait quelque part sa thèse de doctorat sur la façon dont les joueurs pourraient interpréter presque hein, comme un langage corporel l'emplacement délibéré des objets et des objectifs. Mais le game designer savait que tout le monde ne pouvait pas entendre ce message. Et justement, Jonathan Blow dit... Certains disent que le jeu est très répétitif à un certain niveau, c'est vrai. C'est intentionnel parce que nous essayons de ne pas compliquer la situation en vous faisant comprendre les différentes interactivités possibles d'une zone à l'autre. Mais la partie excitante du jeu est ce qui se passe dans votre esprit quand vous regardez quelque chose et que vous le comprenez. Et ça c'est marrant parce que c'est vraiment ce qui revient très souvent, bien avant de lire et de traduire ce dossier, c'est très souvent ce que nous disent ceux qui sont vraiment rentrés dans la philosophie, dans le délire hein, de The Witness, c'est très souvent les retours que l'on a, cette sensation de comprendre quelque chose qui n'est pas clairement explicité et de faire corps quelque part avec le jeu. C'est quand même assez fort. Hein. On nous explique également que le concept de faire un jeu généreux a été une priorité hein, pour Jonathan Blow, et ce grâce à une conférence hein, qui a lieu à l'une des Game Developer Conferences, à laquelle il avait assisté et qui a été menée justement, cette fameuse conférence par l'auteur de Trinity et maintenant le professeur hein, Brian Moriarty. La partie que j'ai vraiment trouvée inspirante, hein, dit Blow, était celle où il parlait de générosité. Comment les meilleures choses dans le monde sont généreuses. L'influence hein, de Brian Moriarty a été énorme sur Jonathan Blow, non seulement pour sa vision du game design, mais aussi en particulier donc pour The Witness. Le développement justement de ce dernier a commencé en 2008, à un moment où les microtransactions prenaient leur envol. Beaucoup de designers de cette époque, hein, nous explique le dossier, n'avaient alors que comme objectif de faire cracher les joueurs finalement hein, au bassinet. Il fallait faire du pognon, du pognon, du pognon. Donc Monsieur Moriarty disait donc exactement le contraire dans sa conférence, hein, à savoir comment faire la chose la plus généreuse possible. Donc il ne demande pas aux joueurs de constamment rajouter des thunes pour agrémenter son expérience de jeu. C'est donc cette philosophie hein, qui a guidé non seulement la conception de Braid, et aussi de The Witness, bien sûr. Et le dossier de conclure en nous disant que The Witness et sublime, mais seulement parce que Jonathan Blow s'en souciait profondément comme d'un hommage à ses inspirations et à la nature même de l'inspiration, et comme un moyen de partager cela avec les autres. En novembre 2017, le professeur Moriarty donnait une conférence en abordant justement The Witness, après y avoir joué et compris l'ampleur réelle de l'impact qu'il a pu avoir sur le jeune Blow à l'époque. « Vous ne pouvez pas savoir si les jeux que vous faites toucheront la vie des joueurs », dit Moriarty, avec une voix gorgée d'émotions. Il poursuit, non sans avec une certaine humilité, « Si on se souvient de nous, c'est parce que les jeunes sont si facilement impressionnables. » C'est aussi pour vous dénicher ce genre de papier, pour vous les traduire, que je fais la revue de presse JV. Donc j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez qu'on continue la discussion, que ce soit sur le Discord, sur Twitter ou ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos réactions. C'est un sujet passionnant, comme une pelote de laine. Hein. Plus on tire et plus il y a de sujets à aborder. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. Il est temps de nous quitter, mais vous le savez, on se retrouve dès demain, même heure, même chaîne, même flux, pour une nouvelle édition. N'hésitez pas à partager un maximum, c'est très important. J'ai fait une petite vidéo que vous pouvez trouver sur le Tipeee en accès libre pour tout le monde, ou sur le compte YouTube, ou la version audio dans ce flux, où je vous explique l'importance de partager massivement l'émission. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore écouté, d'aller jeter une petite oreille. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, bon courage pour toutes les tâches qui vous attendent, quelles qu'elles soient, et je vous dis à demain, si vous le voulez bien. Allez, bye bye.